cours numéro 4. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Fi darsina al-akhir, dans notre dernier cours, walillahi alhamd, on a fini la lecture du deuxième chapitre sur islah as-sara'ir bi luzumi taqwallah. Et réformer son cœur, purifier son cœur avec la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullah ta'ala, ذكر الحث على طلب العلم والمداومة على طلبه. Troisième chapitre, أي من أوصاف العقلاء, celui qui veut du bien pour lui-même, ici-bas et dans l'au-delà. فينبغي عليه, il doit s'efforcer à rechercher la science. تأمل أخي الكريم, il a cité deux choses في هذا الباب. Dans ce chapitre, il a cité deux points importants. طلب العلم, c'est l'étude de la science, la recherche de la science. Et le deuxième point, والمداومة على طلبه. المداومة, c'est la régularité. L'insan, il fait des efforts. Et son intention, ça doit être أنه يطلب هذا العلم, faire des efforts dans l'apprentissage de sa religion jusqu'à sa mort. Al-mudawama, donc c'est la régularité. فطلب العلم يستفيد منه المؤمن, tu profiteras de l'étude de la science avec la régularité. الحث على طلب العلم والمداومة على طلبه. Et la shak wa la raib an al murad bil ilm huna, c'est al ilm al shar'i, ay la science religieuse, al quran wa sunna ala fahmi salaf al umma. Qala rahimahullah, hadathana Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaymah, qala hadathana Muhammad ibn Yahya ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عاصم ابن أبي النجود عن زر ابن حبيش قال أتيت صفوان ابن عسال المرادي فقال ما جاء بك؟ قال جئت أنبط العلم. إذن زني رواية أنبط العلم. دونك هذا الإمام زر ابن حبيش, il faisait partie des tabi'in, et la génération qui a suivi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhum. Il a rencontré Safwan ibn Assal al-Muradi wa radiyallahu anhum, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Safwan. Safwan, il a demandé à Zir ibn Huwaysh, ma ja'abik, c'est quoi l'objet de ta visite? قال جئت أنبط العلم. قال في الحاشية نبط العلم استخراجه والأصل فيه استنباط من البئر ونحوه. الاستنباط, c'est le fait de retirer des choses. C'est pour ça qu'on dit مثلا العلماء يستنبطون من هذا الحديث tant de فوائد. الاستنباط, c'est le fait de retirer des leçons d'une مسألة, d'un chapitre مثلا, d'un livre, d'un verset, d'un hadith. فزر رضي رحمه الله قال جئت أنبط أو أنبط العلم. Donc sa niya, c'était de rechercher cette science, et il a employé ce mot. Ça nous montre que sa niya, c'était un approfondissement في العلم. قال أي صفوان رضي الله عنه, فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من خارج يخرج من بيته يطلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع. Ce hadith, beaucoup d'imams l'ont rapporté, parmi eux comme في الحاشية عبد الرزاق الإمام الصنعاني رحمه الله dans son مصنف, الإمام أحمد dans المسند, الترمذي dans As-Sunan, An-Nasa'i et autres. Et Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il l'a cité dans As-Sahiha. Et beaucoup de hadiths dans ce sens. Enfin, même si certaines chaînes de transmission, il y a des faiblesses, al-ulama, au kathir minhum, ils ont accepté ce hadith avec toutes ces narrations. Donc, ils l'ont rendu hassan parmi eux, al-imam al-albani, alayhi rahmatullah. Awwalan, pourquoi Safwan il a cité hadal hadith? Alors que cet homme, il est venu pour étudier la science. Le lien, il est clair. An-nahada, il a cité ce hadith qu'il a entendu lui-même du prophète, alayhi salam salam, pour encourager Zir ibn Hubaysh, rahimahullah. Et quand il a su qu'il était venu pour étudier la science, فبشره, il lui a annoncé cette bonne nouvelle. Anna ma min kharij yakhruj min baytihi. Quiconque quitte son foyer et son intention, c'est talab al-ilm, yatlub al-ilm, illa wada'at lahu al-mala'ikatu ajnihataha. Les anges, ils déploient leurs ailes à ce mu'min ou à cette mu'mina, ridan bima yasna. Par rapport à ce qu'il fait, ce jihad azim, l'étude, la recherche de la science. Enfin, on doit faire et continuer et s'entraider fi talab al-ilm fi hada at-tariq al-azim. C'est une voie que Allah subhanahu wa ta'ala il aime. La preuve, ces anges et déploient leurs ailes pour celui qui prend cette décision d'étudier la science. Il quitte chez lui, Emma pour voyager auprès des savants, Emma pour se rendre à un dars. Il a akhir al-muhim, quand il sort de chez lui, son objectif, son intention, c'est d'étudier la science. Kadhalik, ça nous montre l'importance de l'intention. Ce n'est pas pour se montrer, ce n'est pas pour qu'on dise un tel, il est parti dans telle ville, dans tel pays, il est parti chez tel savant. Là, notre but, ça doit être étudier هذا العلم الشرعي. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il aime هذا العلم. Comme جاء في حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. Si Allah subhanahu wa ta'ala il veut du bien à une personne, Allah subhanahu wa ta'ala il facilite al-ilm à cette personne. Il lui donne min hadha al-ilm. C'est une ni'ma azima, c'est un énorme bienfait. Akhil Karim. Et d'autres hadiths fi hadha al-bab. On peut citer une référence. Il y en a. Le chapitre il est assez long. Enfin, on ne peut pas se permettre de citer beaucoup de preuves. Illa fil kitab sayatul. On mettra trop de temps si on cite trop de preuves à chaque fois. Lakin on peut citer ahyanan des références quand on peut. Min afdal al-kutub fi hadha al-bab bab talab al-ilm, pour celui qui veut connaître al-fada'il, les bienfaits, les mérites, kitab al-imam ibn Abd al-Barr rahmatullah alayh. Jami' bayan al-ilm wa fadlih. Un kitab nafis jiddan. Il a cité beaucoup de narrations, beaucoup de récits عن السلف et bien sûr des hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال ابو حاتم رحمه الله. On répète, ابو حاتم c'est l'imam ابن حبان رحمه الله البستي. قال الواجب على العاقل اذا فرغ من اصلاح سريرته ان يثني بطلب العلم والمداومه عليه. Donc il a cité dans le chapitre précédent, la base. Purifier son cœur. Réformer son cœur. Craindre Allah Azza wa Jal. Purifier son intention. S'écarter de l'ostentation. S'écarter du shirk. لماذا لأن هذا العلم c'est une عبادة عظيمة. طلب العلم c'est une عبادة عظيمة. Et Allah subhanahu wa ta'ala il accepte العبادة الخالصة. C'est une adoration qui est réservée à Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Ibn Hibban, rahimahullah, il a cité en premier lieu, au début du livre, la base, la principale condition, al-ikhlas, la sincérité. Thumma il a cité هذا الباب العظيم, al-ilm, طلب العلم. Et هنا قال الواجب على العاقل, أي le doué de raison, إذا فرغ من إصلاح سريرته. Ça veut pas dire que il délaisse le fait de réformer son cœur, هذا الجهاد العظيم qu'on a cité dans le cours précédent, là, les anna as-salaf rahimahumullah, ils donnaient daïman du temps, même quand ils étudiaient l'ilm, même quand c'est devenu des savants, daïman ils donnaient beaucoup d'importance à l'intention. فلهذا قال سفيان ابن عيينة رحمة الله عليه ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. الإمام سفيان ابن عيينة رحمه الله il a informé أن la chose dont il a eu le plus de mal ou qu'il a eu le plus de mal à corriger, c'était son intention. Ça nous montre أنه c'est une lutte permanente comme on a vu précédemment. لماذا لأن الإنسان s'il étudie avec certaines choses, les portes de l'ostentation, elles peuvent s'ouvrir en face de lui. Il a appris telle chose, il a mémorisé telle chose, il est parti dans tel endroit. S'il ne fait pas attention, ربما الشيطان يرentre من هذا الباب. Et ce talib, il commence à se montrer. Son intention, elle change. Et l'imam al-Hibban, rahimahullah, il a cité beaucoup de points dans ce chapitre qu'on va lire ensemble, بإذن الله. قال أن يثني بطلب العلم والمداومة عليه. Donc, étudier العلم, faire des efforts et être régulier. قال وحكم العاقل أن لا يقصر في سلوك حالة توجب له بسط الملائكة أجنحتها رضا بصنيعه ذلك. العاقل, le doué de raison, qui a eu connaissance de ce hadith, beaucoup de hadiths. On peut citer قول النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر على السائر الكواكب. La différence, fil fadl, et dans le mérite, entre l'adorateur et le savant, c'est comme la différence entre les étoiles et la lune. Est-ce que la lumière des étoiles, elle est comparable à la lumière de la lune? Abadan. Donc, al-aqil, le doué de raison qui a connaissance, qui a pris connaissance de tous ces ahadith, normalement, ça doit toucher son cœur. Et ça doit se voir dans ses membres. Annahu, il fait tout pour faire partir de Ha'oula. Akhil Karim, pourquoi tu ne ferais pas partie de Ha'oula qui quitte chez eux? Ça ne veut pas dire forcément un voyage. Lakin, la chakan rihla, c'est encore meilleur, c'est plus profitable. Pourquoi, Akhil Karim, tu ne ferais pas partie de Ha'oula qui quitte leur foyer et qui ont l'intention d'étudier hadal ilm auprès des savants de la sunna? Kadalik, d'assister au cours de tes frères, talabat al-ilm. Kadalik, de te déplacer pour acheter des livres, pour rendre visite à un savant, etc. Les an al-aqil, on répète, qui a pris connaissance de had al-fadl, de ce mérite, et les anges déploient leurs ailes. Kadalik, Allah subhanahu wa ta'ala, il a élevé ceux qui ont reçu la science, etc. Voilà, chacun al-aqil, il voudra faire partie de ha'oula. Et ça, c'est un point important, ya ikhwan. Ne pas penser que le khair, il est réservé qu'aux autres. قال عز وجل وما كان عطاء ربك محظورا. الله سبحانه وتعالى يدنا كي il veut. Enfin, ne pense pas que tu ne mérites pas de recevoir ou tu n'es pas apte à faire partie de telle catégorie de gens, مثلا les savants ou les étudiants. Ça c'est min al-shaytan. On doit pas se mettre des obstacles à nous-mêmes. فضل الله واسع ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الله يدنا كي il veut. Fais les causes فقط. Et la principale cause et une bonne intention. Et Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui le craint, il lui ouvre les portes. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Ne pas comprendre le risque dans ce verset, c'est la nourriture, فقط. C'est l'argent. C'est tout ce qui est lié à dunya. Là, ça c'est une compréhension très restreinte. الرِّزْقُ نَوْعَن. Comme on a détaillé ensemble dans l'explication des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ism al-Razzaq, anna al-Rizq il est ala nou'ayn. Il y a al-Rizq al-Abdan, le risque, la subsistance qui concerne les corps, la nourriture, boisson, etc. Et il y a al-Rizq al-Quloub, la subsistance qui concerne les cœurs, la science, la foi, etc. Enfin, celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yattaqillah, يرزقه من حيث لا يحتسب. الله يتدنغ بكو. فلهذا لازم هذه الشروط que الإمام نحبان إلى سيتي. التقوى, corrige ton cœur, une bonne intention et fais des efforts. تأمل dans le hadith, النبي صلى الله عليه وسلم, il a cité la cause et l'effort. ما من خارج. Et celui qui quitte, qui sort de son foyer, ça nous montre أن العلم, tu dois te déplacer pour العلم, أخي الكريم. On ne doit pas attendre Sahih, notre génération, encore plus avec tous ces nouveaux moyens, on a pris cette habitude d'attendre. Si l'insan, tout ne vient pas à lui, ou il ne fait pas beaucoup d'efforts. Ça, c'est un khata. L'ilm, tu dois te déplacer, tu dois demander, tu dois faire cet effort. Et si tu fais cet effort et tu crains Allah, n'aie aucun doute. أن الله جل وعلا يتبغي لي بورت. قال رحمه الله إذ لا وصول للمرء إلى صفاء شيء من أسباب الدنيا إلا بصفاء العلم فيه العلم قبل القول والعمل كما قال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله. Donc العلم c'est la première étape. Donc si tu veux réussir, que ce soit fi dunya ou fi l'akhira, tu dois donner de l'importance au ilm. Même fi umur dunya, tu veux faire une chose, tu es obligé d'apprendre cette chose, donner du temps. قال رحمه الله وحكم العاقل أن لا يقصر في سلوك حالة توجب له وسط الملائكة أجنحتها رضا بما بصنيعه ذلك. هذا تقدم. قال ولا يجب أن يكون متأملا في سعيه الدنو من السلاطين أو نوال الدنيا به فما أقبح بالعالم التذلل لأهل الدنيا. ثم il a cité ce qui fait du mal à l'intention. Espérer avec ce ilm avoir une responsabilité. Espérer que ce ilm soit une porte pour gagner de l'argent ou pour satisfaire les gens ou pour qu'on dise un tel il est kada, il est kada. Il a appris, il a atteint ce niveau. Ça fait beaucoup de mal aux mu'mines. قال رحمه الله الأثر numéro 54 قال حدثنا أبو يعلى قال حدثنا غسان ابن الربيع قال حدثنا سليمان مولى الشعبي الشعبي الإمام عن الشعبي رحمه الله قال يا طلاب العلم لا تطلبوا العلم بسفاهة وطيش واطلبوه بسكينة ووقار وتؤدة. نصيحة جميلة de هذا الإمام الكبير الإمام الشعبي رحمه الله قال يا طلاب العلم. Donc c'est un conseil pour tous les étudiants en science. Et l'étudiant en science, c'est pas forcément une personne qui est partie dans tel endroit ou une personne qui a étudié chez tel savant ou une personne qui a atteint tel niveau. Là, طلاب العلم يتفاوتون. Bien sûr, il y a des grands étudiants en science qui ont atteint un très bon niveau. Il y a les étudiants en sciences qui se sont déplacés dans telle ou telle contrée, tel ou tel pays. Tu vois, des étudiants en sciences, wallah ilham, ils font des efforts chez eux. وهكذا. المهم, طلبة العلم, ils sont tous concernés. لا تطلب العلم بسفاهة وطيش. Attention à ces deux choses. السفاهة, c'est les faibles d'esprit. وطيش, c'est le manque d'organisation, la précipitation. Et هذا c'est une ishara ila al-manhajiyya as-sahiha. Toute chose pour l'accomplir correctement, il y a une façon, il y a une méthode, il y a un chemin à suivre. طلب العلم, les ulama, ils ont cité des étapes à ne pas dépasser, des choses à ne pas faire. وهكذا هنا ولله الحمد expliqué dans plusieurs دروس المنهجية. فقال لا تطلب العلم بسفاهة وطيش واطلبوه بسكينة ووقار وتؤدى. Donc طالب العلم لابد أن يلازم هذه الأوصاف. C'est bon comportement. السكينة c'est le calme, la quiétude. الوقار le respect. التؤدى كذلك c'est le calme, ne pas se précipiter. خاصة مع أهل العلم. On doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala. N'oublie jamais أن العلماء ils t'ont devancé في هذا الطريق. Certains savants ils ont l'âge de nos parents ou de nos grands-parents. فلهذا بعض الناس commettent une erreur أنهم ils ont appris un ou deux points, ils ont étudié العلم quelques mois et à cause de leur précipitation, à cause du طيش, à cause de leur faiblesse d'esprit, ils reprochent certaines choses aux savants alors qu'ils n'ont même pas maîtrisé cette chose. Ça, c'est minat taïch. Talibul ilm, s'il veut réussir, Bien sûr, il doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala, il doit être sincère et il doit connaître sa place. Encore plus nous. Léna, on le répète, talabat ul-ilm yatafawadoun. Ba'a talabat ul-ilm, c'est des mashayikh. Ba'a talabat ul-ilm, ils ont des 10, 15, 20 ans fil ilm. Ils ont écrit des ouvrages. Et ba'a talabat ul-ilm, comme notre situation à nous, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous facilite. Et qu'il couvre nos péchés. Mais se précipiter et se montrer et se mettre en avant et vouloir attirer les regards, là, chacun, cet étudiant, il se fera du mal. Il fera du mal aux autres. Chaque chose a sa place. Et un temps en tant qu'étudiant, reste à ta place. Si tu sais pas, demande aux savants. Si tu sais pas, demande à ceux qui étaient avant toi. L'âge, ça joue beaucoup. Un talib ilm, plutôt de 18 ans, de 20 ans, en général, c'est pas comme un talib qui a 40 ans, 50 ans. Voilà, كذلك un talib qui a étudié l'ilm depuis un an, c'est pas comme un talib qui a étudié en général 10 ans. Falihada, chacun doit rester à sa place et ne pas te précipiter, khassatan au départ. Il y en a au départ, et ça arrive souvent, tu vas voir que tu vas apprendre beaucoup de choses. Il y en a le ilm, surtout celui qui étudie inda ahl al-ilm avec la méthodologie correcte, tu t'apercevras très vite que tu apprends des choses. Si tu ne te maîtrises pas, shaitan, il va rentrer par plusieurs portes. Cette forteresse qu'on a citée hier, Kalam ibn al-Jawzi, shaitan, en général, avec talabat al-ilm, il ne va pas essayer de t'égarer avec certains péchés, boire de l'alcool ou prendre de la drogue. En général, il viendra avec une autre tariqa. Là, tu sais, il faut que tu parles, il faut que tu dises à un tel, il faut que tu fasses telle chose. Et voilà, talabat al-ilm, il se précipite. Le manque d'expérience et le manque de ilm, ils pensent qu'ils vont tout changer en une semaine. Là, en tant que talib al-ilm, et ça c'est une sakina, ça fait partie de la sagesse, tu dois comprendre, c'est pas tout le monde qui a la même compréhension que toi, c'est pas tout le monde qui a eu la possibilité d'apprendre ce que tu as appris. Certaines choses, elles sont très très évidentes pour eux, talib. Et cette même chose, elle est très très compliquée pour awam al-nas. Kadhalik 'inda al-khilaf. En étudiant, tu vas t'apercevoir au départ que pour toi, certains sujets sont clairs. Hatta tu seras étonné qu'il y a divergence. Comment tel imam, il a pu choisir un autre avis alors que c'est clair, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit. On peut citer l'exemple quand le nabi sallallahu alayhi wa sallam rusl al-jumu'a wajibun ala kulli muhtalim. Au départ, quand tu étudies l'ilm, c'est clair. Le lavage, le fait de se laver le vendredi avant d'aller au masjid, c'est une obligation pour chaque muhtalim. Le muhtalim, c'est le pubère. Donc c'est obligatoire. Beaucoup de savants, ils ont choisi la vie, c'est obligatoire. Tu trouves beaucoup de savants qui disent que ce n'est pas une obligation. Le hadith, il est clair. Ce n'est pas comme ça l'ilm. S'il y a plusieurs savants, ils ont dit que ce n'est pas obligatoire. Ne pense pas que c'est aussi simpliste que cela. Là, ça ne veut pas dire que ceux qui ont dit que c'est obligatoire, ils ont fou. Là, c'est fort un exemple pour vous montrer applique cette nasiha de l'imam Shabi. Ce qui n'a donne du temps. Matalan, ce sujet, donne-lui du temps. Pourquoi tel savant, il dit que se laver le vendredi, c'est pas obligatoire. Et tu étudies. Et tu étudies la vie des compagnons. Et tu vas voir qu'à la fin, tu vas voir que ceux qui ont dit qu'il n'est pas obligatoire, ils ont expliqué le hadith. Ala kulli hal, ne te précipite pas. Et au départ, en tant que talib ilm, tu dois prendre. Tu dois emmagasiner l'ilm. Tu dois avoir de l'expérience. Tu dois avancer petit à petit. Kadhalik mina as-sakina, c'est de ne pas brûler les étapes. Livre après livre. Matière après matière. La révision. Un jour viendra, si Allah subhanahu wa ta'ala, il veut, et Allah subhanahu wa ta'ala, il facilite à qui il veut, viendra un jour où tu devras propager ce khayr, ce bien que tu as appris. هذه النصيحة جميلة. Et on l'a souvent dit, on le répète, تأملوا كلام السلف. Une phrase, l'imam Shabi rahimahullah. يا طلاب العلم لا تطلبوا العلم بسفاهة والطيش واطلبوه بسكينة ووقار وتؤدى. Une phrase فيها فوائد عظيمة. On pourrait faire un درس que sur ce athar. C'est pour ça qu'on doit profiter de ha'oula. Kadhalik min al-muhim, c'est au départ, quand tu étudies l'ilm, d'étudier, de lire une risala sur talab l'ilm. Imma sharh al-hilya de Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, imma awa'iq talab l'ilm, qu'on a lu, walillahi alhamd, avec certains de nos frères de Cheikh Abdussalam ibn Burgis, rahmatullah alayhi, imma kitab l'ilm de Cheikh Ibn Uthaymeen, imma kitab l'ilm dans Sahih al-Bukhari, autre al-muhim, une risala fi hada. كذلك la risala qu'on a lu ensemble, Adab al-Mu'allim ou al-Mu'allimin de Cheikh Sa'di. Hatta tu sais où que tu vas, tu sais où tu vas, tu sais comment apprendre هذا العلم. لأن بعض الطلبة ils ont une très bonne intention, ils sont motivés, خاصة quand ils sont très jeunes, ils ont cette قوة الشباب, cette force, et ils se précipitent. Ils se précipitent et ils mélangent, ils se font du mal, et بعضهم ils arrêtent. فنسأل الله سبحانه وتعالى الثبات للجميع. ثم قال أبو حاتم رحمه الله dans la page suivante, العاقل لا يبيع حظ آخرته بما قصد في العلم بما ينال من حطام هذه الدنيا لأن العلم ليس القصد به نفسه دون غيره. الإمام أبو حاتم رحمه الله هنا il a fait une remarque très très importante. أن ton objectif de العلم, ça doit être une chose bien précise. En tant qu'étudiant, on essaye de faire des efforts pour apprendre, pour enseigner, pour s'entraider. Pose-toi la question, Akhil Karim, pourquoi tu étudies? Pourquoi on assiste à ce cours? Pourquoi on achète des livres? Pourquoi certains de nous, ils ont voyagé? Pourquoi tout cela? Tu dois te poser la question. Est-ce que c'est faqat pour apprendre? Là, c'est une erreur. فَلِهَذَا قَالْ لِأَنَّ الْعِلْمِ لَيْسَ الْقَصْدِ فِيهِ نَفْسُهُ. C'est pas que le ilm qu'on doit acquérir là. Ce ilm, il doit apporter des fruits à l'amal. Si ce ilm, l'intention, c'est pour le mettre en application, on fait des efforts. Hada ilmun nafi'. Si ce ilm, c'est que pour se montrer, c'est que pour qu'on dise, ça devient une passion, iyadan billah. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك. القرآن c'est أصل العلوم, c'est la base de la science. Ce Coran, certains vont l'apprendre, donc là je sais qu'ils auront de la science, laquelle ça sera une preuve contre eux. Ça nous montre un l'objectif, c'est pas que la science là. L'objectif c'est la science et la mise en application. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أول من أول من يقذف في النار يوم القيامة, parmi les premiers qui seront jetés dans le feu le jour du jugement, رجل حفظ القرآن تعلم القرآن, un homme qui a appris le Coran. Et son objectif c'est quoi? Pour qu'on dise فلان قارئ من القراء, il a une belle voix, il récite bien, il a akhir. Cette catégorie de personnes, ils feront partie de ceux qui seront jetés dans le feu, عياذا بالله. قال لأن المبتغى من الأشياء كلها نفعها لا نفسها والعلم نفع, نعم والعلم ونفع العلم شيئان. N'oublie jamais هذا. La science c'est une chose et la science utile c'est une autre, c'est autre chose. قال فمن أعرض عن نفعه لم ينتفع بنفسه وكان كالذي يأكل ولا يشبع. Celui qui emmagasine la science, mais pas pour mettre en application, pas pour purifier son cœur, pas pour conseiller les autres, pas pour élever la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont demandé à l'imam Ahmed rahimahullah, il lui a dit c'est quoi la bonne intention fait l'ilm? قال أن ترفع الجهل عن نفسك وعن غيرك. Ça c'est niyatu al-muwaffaq, celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a guidé. Anna, son but quand il étudie c'est de ne plus être ignorant, donc ça implique de vrai, de mettre en application, et كذلك d'essayer d'être une cause de bien pour les autres, pour repousser l'ignorance. قال رحمه الله وكان كالذي يأكل ولا يشبع. Celui qui étudie, ça devient une passion, c'est plus pour mettre en application, c'est que pour les autres. فهذا, c'est comme une personne, elle mange, elle n'est jamais rassasiée. Alors que la nourriture, التي فيها بركة, ولو tu manges un peu, تستفيد منها. Ton corps, il profite et tu profites. بعض الناس, leur nourriture, il n'y a pas de بركة, ils mangent extrêmement beaucoup et ils ne profitent pas. بل بعضهم, ils tombent malades. هكذا العلم. Certains, ils ont peu de علم. لكن الله سبحانه وتعالى il a mis de la baraka في هذا العلم. Et tu les trouves, ولله الحمد, ربما c'est des دعاة إلى الله. Ils prêchent, ils font beaucoup de bien. وهكذا. Tu trouves d'autres, ils ont beaucoup plus de ilm, لكن il n'y a pas de baraka. Ils font que du mal, que des fitan. À eux-mêmes et aux autres. قال رحمه الله والعلم له أول وآخر. العلم له أول وآخر. أي العلم يا Le ilm, il a un début et une fin. Et pour montrer la méthodologie. Tu n'étudies pas l'ilm comme tu veux. Tu n'apprends pas ce que tu veux. Tu ne vas pas où que tu veux. Tu ne polémiques pas hakada quand tu veux, où que tu veux, avec qui tu veux. Abadan. Labud, on le répète, min sakina wa waqar wa tu'ada. Kama qala al-Sha'bi, rahmatullah alayhi. Qala wal ilmu lahu awwalun wa akhir. Kama haddathana... أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يحيى بن اليمان قال سمعت سفيان أي ابن عيينة رحمه الله أول العلم الإنصات ثم الاستماع ثم الحفظ ثم العمل به ثم النشر ابن عيينة رحمة الله عليه il a cité les étapes si tu veux réussir في العلم certains imams ils ont ou dans d'autres riwayas et même d'autres imams, ils ont cité ce genre de hadith avec des choses en plus. Enfin, on commence par la parole de Soufiane, rahmatullah alayhi. قال أول العلم الإنصات. La première chose, la première étape, si tu veux avancer fil ilm, on doit tous apprendre à préserver notre langue, à se taire. Celui qui parle beaucoup, il n'avancera pas dans le ilm. Celui qui veut polémiquer avec tout le monde, il n'avancera pas dans le ilm. بعض الطلبة صحيح يسنتوا شيء بعض هذا أنهم إذا أبخلوا المسألة مثلا يزيتوا دي شيء عن شيخ أو شيء عن étudiant أو إذن لوا عن ليبر المهم إذن أبخل une chose ils font tout pour montrer cette chose première chose à notre époque que certains font ils vont dans les réseaux sociaux et ils essayent d'attirer du monde vous avez déjà entendu parler de ça mais en fait il faut comprendre ça et en fait وهكذا pour se montrer ثم un autre il vient et cite un ishkel ثم il se répond ثم ça finit tout le monde est divisé c'est pas ça l'ilm l'ilm أولاً c'est l'insat أولاً tu dois apprendre à te maîtriser بعض العلماء ils ont cité النية أول العلم النية et bien sûr la première étape c'est l'intention et c'est ce qu'on a cité ولله الحمد dans notre cours précédent ثم قال ثم الاستماع tu dois apprendre à écouter Écouter quoi ? Écouter qui ? Écouter ulama al-sunna, les savants de la sunna. Les mains, pourquoi on a dit les savants de la sunna ? On n'a pas dit écouter les textes. Les anna, tu apprendras et tu comprendras les textes en revenant aux savants de la sunna. Tu ne peux pas étudier l'ilm tout seul. Celui qui étudie l'ilm tout seul, il se fera beaucoup de mal. Encore plus pour celui qui ne maîtrise pas l'arabe. Encore plus pour celui qui passe par les traductions, etc. Fallabud Pour avancer dans le ilm, l'insat, ثم الاستماع, écouter ahlul ilm. Écouter et donner de l'importance au dalil. Al-istima, donc c'est écouter le savant et donner de l'importance au dalil que le savant il cite. On ne donne pas d'importance à forcément, il faut que la personne qui enseigne, elle soit de tel ou tel pays, ou dans tel avis, il faut qu'il y ait tel ou tel savant, ou la majorité. Là, En tant que talib ilm, tu dois t'habituer à donner de l'importance au haq. ثم الحفظ. الحفظ, c'est la mémorisation. Troisième étape. لأن الحفظ, c'est l'ilm. علم بلا حفظ, c'est un ilm hazil. Prends-le comme règle. Enfin, c'est pour ça qu'on conseille nos frères. خاصةً les plus jeunes de faire des efforts في الحفظ. لأن beaucoup de nos frères, ils n'ont pas accès aux assises des savants. Certains parce qu'ils ne comprennent pas l'arabe, d'autres parce qu'ils n'ont pas les moyens de se déplacer, d'autres à cause de certaines excuses. Al-Muhim, c'est pas tout le monde qui peut étudier l'ilm عند العلماء ou عند بعض طلبة العلم ou se rendre dans telle école, dans telle marquise. Lakin, prends cette nasiha lillah azza wa jall. Ne perds pas ton temps et concentre-toi sur l'hifd. Tu vives en France, tu vives au Maroc, tu vives à Madrid, ayn Donne de l'importance au hifd. Khassatan avec les moyens d'aujourd'hui, tu pourras avancer. Que ce soit le Coran ou Sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donne du temps. Un moment de la journée et tu es considéré comme talib ilm avec cette méthodologie, avec cette façon de faire. Un moment de la journée, une heure, deux heures, trois heures le matin. Khassatan ceux qui ont du temps. Walillahilhamd. et apprends. Apprends le Coran Karim. Ça te sera utile toute ta vie. Lillah Azza wa Jal. Apprends les 40 hadiths que l'imam Nawawi rahimahullah il a rassemblés. Apprends Kitab Tawhid. Apprends le Wasitiyya. Apprends Umdat al-Ahkam. Et le mieux c'est à deux ou à trois. Et vous vous entraidez. Ceux qui font cela, c'est des talabat ilm. Mais l'erreur que beaucoup de nous ont fait, c'est que je ne peux pas assister aux assises. Ou je ne peux pas me déplacer dans tel pays, dans telle ville. Khalas, on ne peut plus étudier l'ilm. Et l'écoute des doros, ce n'est pas suffisant. L'écoute des doros, c'est très très bénéfique. Lakin sans hifd, il ne faut pas se voiler la face. Ça ne restera pas longtemps. Alors, on peut se poser une question, un délil qu'on a cité dans le dars, le premier dars. Beaucoup de nous, on sera incapable de le citer. C'est normal. On doit avoir des bases. Et les bases, c'est le hifd. Dans chaque matière, tu apprends un matn. C'est ça l'ilm. Maintenant, dans le tawhid, apprends kitab tawhid. Dans l'aqidah, apprends le wasitiyya de l'imam Nutaymiyya. Dans le fiqh, apprends umdat al-ahkam. Qabla dalik, apprends le Coran. C'est aslul ulum. Et tu vas voir avec cette méthodologie, n'importe quel sujet, quand tu assisteras à un test, tu comprendras et tu auras la preuve mémorisée dans ton cœur. Écoutez, faqat, bien sûr que tu vas apprendre des choses. Lakin, si on ferme le livre, on éteint le dars, tu ne peux plus parler. C'est pour ça qu'on vit à une époque, vu que certains n'aiment pas l'importance au hif, quand ils se retrouvent sur les réseaux sociaux ou dans la rue, et ils engagent une discussion avec quelqu'un, et ils n'ont pas de livre, ils n'ont pas d'audio, ils n'arrivent pas à se retenir, Shaitan y rentre et ils commencent à parler de leur nefs. Mais j'ai entendu, on m'a dit, et ça parle sans preuve, Thumma, ça fait des problèmes. Ce n'est pas une da'wa. Al-ulama, al-imam Ahmad, rahmatullah alayh, ils ont rapporté, ils connaissaient 1 million de hadiths. Et bien sûr avec le Coran, et bien sûr avec des vers de poésie. Al-imam al-Bukhari, rahimahullah, c'est un hafid, des milliers de hadiths. Hakada, ha'oula, ils ont avancé. Nous, on reste à notre place. On n'a pas le niveau de ha'oula. Lakin, on fait des efforts. Au moins, la première étape, j'apprends Shay' min al-Qur'an. Au moins pour faire salat, juz amma. Mathalan. Kadalik, j'apprends des bases dans as-sunnah, mathalan, les hadiths de l'imam al-Nawawi. Rahmatullah alayhi, les 40 hadiths. Wa hakada, petit à petit. Petit à petit. Au moins, tu auras des adils pour œuvrer toi. Et kadalik, pour conseiller tes frères al-mu'minin. Qala thumma al-amal. Ça nous montre le fait de voyager, le fait d'assister aux durus, le fait de mémoriser le Coran et les hadiths. Lakin sans amal, ce n'est pas du ilm. Wallahi, c'est qu'une preuve contre cette personne. Le but de ce ilm, c'est de mettre en œuvre. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a ordonné l'ilm, pas pour que tu te montres, là, pour que tu l'adores. Qala, thumma an-nashr. La dernière étape. La dernière étape, an-nashr, c'est propager. Celui qui met cette étape au départ n'a pas étudié, n'a pas écouté, n'a pas assisté, il ne s'est pas déplacé, il n'a pas mémorisé et il veut directement accéder à cette étape, il se fera du mal. Satan s'y reste pas à sa place. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de propager. Là, tu as le droit de propager des paroles de savants, tu as le droit de propager des hadiths, lakin tu dois rester à sa place, à ta place. Amma, celui qui veut se consacrer à la propagation, il n'écoute pas les autres, il n'écoute pas les conseils, il revient pas aux savants, il n'a pas d'ilm, il se fera beaucoup de mal. Surtout à notre époque, c'est devenu très simple. Ouvrir une chaîne, ouvrir un compte, thumma, sans revenir aux savants, sans avoir un minimum fil ilm, comme il en a, imma, ils abandonnent, imma, ils propagent des choses au mauvais moment, imma, ils propagent des choses qu'ils ont mal comprises. Wahakada. نسأل الله سبحانه وتعالى الحكمة كذلك بعض العلماء ils ont ajouté الفهم la compréhension وهذا لا شك فيه لأن الحفظ tout seul c'est pas suffisant حفظ وفهم et الفهم c'est en assistant bien sûr aux assises des savants pour comprendre ثم قال رحمه الله وأنشدني الأبرش تعلم فليس المرء يولد عالما تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخو علمك من هو جاهل فإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل قال رحمه الله donc تعلم فليس المرء يولد عالما fais des efforts في العلم personne ne naît savant كما قال الله عز وجل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. On est tous sortis du ventre de nos mères et on n'avait pas d'ilm. Al-Imam Nuhibban, rahimahullah, ce livre qu'on étudie, c'était un enfant comme toi. Au départ, un bébé, un nourrisson comme toi, thumma un enfant comme toi, thumma un adolescent, il a fait des efforts. En étant enfant, en étant adolescent, c'est devenu un adulte, un imam de la sunna. Au départ, on part tous plutôt des mêmes bases, l'ignorance. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما العلم plutôt بالتعلم. العلم c'est en faisant des efforts. العلم c'est pas héréditaire. العلم tu peux pas l'acheter. العلم c'est pas qu'une prétention. العلم c'est lié avec les efforts. قال وأخبرنا أبو يعلى قال حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إسماعيل الطائفاني أو الطالقاني قال حدثنا جرير عن برد بن سنان عن سليمان بن موسى قال أبو الدرداء لا تكون عالما حتى تكون متعلما ولا تكون بالعلم عالما حتى تكون به عاملا. لا تكون عالما حتى تكون متعلما. Tu veux devenir un savant? Et cette intention, on doit l'avoir. On doit mettre la barre haute. Ça, c'est min asbab al-husul. Min asbab الزيادة بإذن الله عز وجل في العلم. Parmi les choses qui vont te permettre d'avancer, c'est d'avoir des objectifs élevés. Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de tout. Lakin, si tu veux devenir un savant, i'lam, anna la takun aliman, tu ne seras pas un savant, hatta takun muta'aliman, sans apprendre. La première étape, c'est ta'alim, d'apprendre. Donc, tu dois faire des efforts. Amma, celui qui veut devenir un savant, et il ne fait aucun effort. C'est pas comme ça, abadan. قال ولا تكون بالعلم عالما حتى تكون به عاملا. Et ce ilm te sera utile et tu seras un savant de la guidée, un savant qui propage la vérité si toi-même tu mets en application comme on a vu précédemment. قال ابو حاتم العاقل لا يشتغل في طلب العلم الا وقصده العمل به لانه من سعى فيه لغير ما وصفنا ازداد فخرا وتجبرا. Donc l'intention de l'étudiant, ça doit être la mise en pratique. Wa illa kama qala Ibn Hibban rahimahullah, celui qui fait des efforts fil ilm, mais son intention c'est pas de mettre en application ce ilm, il va lui ajouter que de l'orgueil et il va vouloir rabaisser les autres. C'est pour ça que cette catégorie, on l'a tous vu. Fi ba'd an-nas, certaines personnes qui ont étudié, lakin tu ne vois pas sur lui les traces, les effets de hada al-ilm. La modestie, aimer pour les autres, ce qu'il aime pour lui-même, faciliter aux autres, patienter. Là, pardon, il se montre. قال رحمه الله وللعمل تركا وتضييعا فيكون فساده في المتأسين به فيه أكثر من فساده في نفسه. Et ça, c'est très très grave. لماذا؟ لأن طالب العلم كثير من الناس ils le prennent pour modèle. Pourquoi? لأنه il a étudié, لأنه il a fait des efforts, لأنه فبعض الناس ils le prennent pour modèle. Khassatan, bien sûr, c'est un talib qui suit sunna. Si ce talib, il n'est pas sérieux, si ce talib, il fait des choses qui contredisent ce qu'il a appris, il fera du mal aux autres. Vous avez déjà entendu, comme min al-nas, pour justifier une position, ou un égarement, ou une passion, ils disent, mais un tel, il a dit. Mais un tel, il a fait. Maintenant, ils ont vu un étudiant faire une chose, et ils disent, mais lui, il a fait. Fallait rien d'un tabé. Bel, on peut aller encore plus loin. En tant que sunni, même ignorant, même un sunni de la masse, tu as une énorme responsabilité. Si tu fais une chose qui contredit les bons comportements, etc., al-awam, directement, ils te montreront du doigt. Ils disent, regarde. Regarde, lui. C'est un sunni, c'est un salafi, regardez ce qu'il fait. Ou d'autres, ils vont dire, na'am, c'est vrai, je fais cette chose, mais un tel aussi l'a fait. Il va te prendre comme référent. C'est pour ça qu'on doit craindre Allah. On a une responsabilité, qu'on le veuille ou non. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a élevé avec cette sunna. Et celui qui a du ilm, Allah, il l'a élevé avec l'ilm, enfin, on doit faire attention. قال ويكون مثله كما قال الله تعالى ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. قال la page suivante, ou plutôt la page d'après, le athar numéro 65, عن سفيان الثوري رحمه الله قال عن سفيان الثوري رحمه الله قال أحيانا نلي الإسناد quand on a un peu de temps. Ahyanan, quand on sent que le temps il est serré et il reste pas beaucoup de temps, ahyanan on lira pas les asanid. C'est important de lire les asanid, s'habituer. Il y a plusieurs fawaid. Awalan, c'est la méthodologie des imams de la sunna. Kadalik, tu apprendras certains noms qui reviendront souvent et tu apprendras à les connaître, les imams de la sunna. Et le fait de lire le isnad, tu es récompensé. Ça, c'est une faïda azim. Lakin, faute de temps, ahyanan, on les lira pas. قال عن سفيان الثوري رحمه الله قال العالم طبيب الدين والدرهم داء الدين فإذا اشترى الطبيب الداء إلى نفسه فمتى يداوي غيره العالم طبيب الدين. Tu as des docteurs, des médecins qui ont comme métier de essayer de soigner les corps. Que ce soit le cœur, que ce soit les yeux, le ventre, les os, la peau, il a. Al-alim, le savant, c'est un tabib fiddin. C'est un médecin, un docteur, lakin. Son objectif, c'est d'essayer de soigner les cœurs. Et la guérison, ça appartient à Allah, subhanahu wa ta'ala. Il guérit qui il veut. Lakin, le tabib, il fait des efforts pour essayer de soigner. Qala wa dirham da. L'argent, c'est une maladie. Dirham da. Adda, c'est la maladie. Addawa, c'est le remède. Ou dirham da. Donc l'argent, c'est une maladie. Qala da'uddin. C'est comme une tumeur fiddin si tu ne fais pas attention. Qala fa'ida ashtarra at-tabib adda. Si celui qui se prétend docteur, médecin, il veut soigner les autres, lui-même il est touché par la maladie, ben comment il va faire pour guérir les autres? Il a cité ce athar pour montrer. Anna, parmi les choses les plus néfastes pour l'étudiant en sciences, ben pour le savant, c'est ad-dunya, c'est l'argent. Il y en a celui qui mélange entre étudier et l'argent, entre propager l'ilm et l'argent, il se fera beaucoup de mal. Saniya, elle changera. Qala, anshadani Ahmad ibn Muhammad al-Sun'ani, qala anshadani Muhammad ibn Abdullah al-Iraqi. عنوا يطلبون العلم في كل بلدة شبابا فلما حصلوه وحشروا. Il décrit l'état de certains qui ont étudié hadal ilm, qui se sont déplacés dans tel pays, dans tel pays. Thumma qala wa sahha lahum isnaduhu wa usuluhu wa saru shuyukhan dhayyuhu wa adbaru. Thumma ils ont atteint un certain niveau après des années dans l'étude, lakin dhayyuhu wa adbaru. Et à la fin, ils délaissent tout ça. Pourquoi? Qala wa malu ala ad-dunya fahum yahlibunaha بأخلافهم مفتوحا لا تصرروا. Lakin, ils n'ont pas fermé cette porte de dunya. Ils ont délaissé هذا العلم à cause de dunya. Au lieu de faire des sacrifices et patienter, ils ont fait passer dunya avant. قال فيا علماء السوء أين عقولكم وأين الحديث المسند المتخير. Thumma, il les a interpellés avec ce kalam. Ya ulama as-su, ça c'est les savants égarés qui délaissent l'ilm pour ad-dunya. Ayna al-hadith? Tous ces hadiths que vous avez appris, tous ces livres que vous avez étudiés, toutes ces choses que vous avez mémorisées. Ayna hi? Qala rahimahullah. La page suivante, le athar numéro 69, akhbarana Muhammad ibn Ali as-Sayrafi bil Basra. Qala hadathana al-Abbas ibn al-Walid. النرسي قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة. أيوب et أبو قلابة ces deux noms on les a déjà vus précédemment des imams de la sunna. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل أبو عبد الرحمن عبد الله رضي الله عنه أنه قال عليكم بالعلم قبل أن يقبض وقبضه أن يذهب أصحابه. Nasiha min sahabi radiyallahu anhu. Ce conseil d'un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alaykum bil ilm. Faites des efforts fil ilm. Qabla an yuqbad. Avant que ce ilm ne disparaisse. N'attends pas, akhil karim. Aujourd'hui, wallahi alham, tu peux assister, demain tu ne sais pas. Aujourd'hui, tu as la capacité de mémoriser, demain tu ne sais pas. Aujourd'hui, tu peux te déplacer dans telle et telle contrée, demain tu ne pourras pas. Ta'ammalul an. Combien de gens, ils ont repoussé leur voyage pour l'ilm ou pour l'ilm? Ils sont bloqués à cause de la pandémie. On doit, quand tu es prêt, tu as fait les causes, ne repousse pas, laisse pas shaitan. Il y en a peut-être viendra un jour, tu ne pourras pas. Même ces moyens qu'on utilise, là, Ce n'est pas demain, il y a un problème, il n'y a plus d'internet. On ne peut plus diffuser l'ilm hakada en direct. On a un problème, on ne peut même plus diffuser l'ilm. Personne ne peut diffuser l'ilm. On n'est pas à l'abri. C'est une force. Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité beaucoup de moyens. Que ce soit pour mémoriser, que ce soit pour les livres, que ce soit pour lire, que ce soit pour se déplacer, que ce soit pour écouter. On doit craindre Allah Azza wa Jal. قال وإنكم ستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم وعليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقد أو يفتقر إلى ما عنده. صحيح أن بعض الناس يخطط d'avoir du علم أو يخطط d'avoir étudié dans tel endroit. Ils prétendent être sur le bon chemin. Et quand tu vois les fruits de leur da'wa, ça parle que d'argent. Pardon, c'est devenu comme des animateurs de télévision ou d'un spectacle. Ils se mettent en scène, il a akhir. Aïna, qala Allah, qala Rasoul, alayhi salatu salam. Pardon, leur durous, des mises en scène, plus de hadith. Ils disent ce que les autres y veulent. Une image pour attirer, thumma une mise en scène dans un endroit. Pourquoi tout cela? Ça montre un naha où là, aslan, c'est des ignorants. Et thaniyan, ils font du mal aux autres. Fahdhar, fais attention. Qala, wa alaykum bil ilm. Fa inna ahadakum la yadri mata yuftaqad ou yuftaqar ila ma'inda. Étudie, laisse pas le shaitan te faire croire, Anna, tu dois parler, tu dois te mettre en avant. Les gens, ils ont besoin de toi. Isbir. Comme a dit Ibn Mas'ud, tu ne sais pas quand est-ce que les gens ils auront besoin de ton ilm. Si tu es sincère et tu fais des efforts, la takhaf, viendra un jour où les gens ils auront besoin de ton ilm. Mais eux-mêmes, ils viendront. Ya Rab, Ya Allah, tu arrives à suivre. Amma, vouloir se précipiter au départ, c'est une erreur. Qal wa alaykum bil ilm wa iyyakum wal bid'a wa alaykum bil atiq. Ça, c'est une nasiha muhim. On doit faire des efforts fil ilm. Et on doit faire attention aux innovations. L'imam Ali Anna, les innovations, ça fait beaucoup de mal à celui qui veut avancer fil ilm. Wa alaykum bil atiq. Al atiq, c'est l'amr al-awwal. Et suivre la première génération. Ceux qui ont compris hadha al-ilm, qui ont vécu la révélation, les as-salaf et plus précisément les compagnons, radiyallahu anhum. ثم قال وحدثنا محمد ابن زنجوي القجيري قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا قرة بن خالد عن عون بن عبد الله قال قال ابن مسعود رضي الله عنه ليس العلم بكثرة الرواية وإنما العلم الخشية. العلم c'est pas au magasiné فقط, celui qui a forcément une grande librairie chez lui, beaucoup de livres, كذلك il a étudié des années, كذلك il a beaucoup mémorisé, forcément il a du ilm. On doit pas نغتر بهذا. بعض الناس يغترون ان واحد il a une grande librairie chez lui, il se filme, il sait réciter le Coran, pour eux c'est شيخ الاسلام. Alors que والله ان هؤلاء اكثرهم c'est des جهال. اكثرهم c'est des ignorants. العلم كما قال ابن مسعود رضي الله عنه, c'est al-khashya, c'est la crainte d'Allah Azza wa Jal. T'amènes la situation des savants de la Sunna. L'imam Shanqiti, l'imam Muqbil ibn Hadi, l'imam ibn Uzaymin. Ha'oula, le fait de les voir, ceux qui les ont vus, ils ont témoigné, tu vois al-khashya. La façon de parler, la façon de se comporter, la modestie. Al-sad'u bil-haq. Annahum, ils ne sont pas là pour satisfaire un tel et un tel. Leur but, c'était la vérité. Wa hakada. C'est pour ça qu'on conseille d'aïman nos frères de revenir aux savants de la Sunna. Faites attention à tous ces prêcheurs qui sont propagés l'an. Aktharuhum, c'est des ikhwan. On doit avoir aucun doute. Akthar al-du'at l'an qui sont propagés, même dans le monde arabe, c'est des ikhwan. Ils vont à la usul al-ikhwan. Le sunna, c'est la vie, ils sont très très peu. Aliyada, tu dois filtrer. Écoute pas n'importe qui. Ne perds pas ton temps. Déjà qu'on a perdu beaucoup de temps. Déjà qu'on n'a pas assez de temps. Enfin, le peu de temps qui reste. لا تضيعوه en écoutant des égarés. قال أبو حاتم رحمه الله الواجب على العاقل مجانبة ما يدنس علمه من أسباب هذه الدنيا مع القصد ولزوم العمل بما قدر عليه. Fais attention, كذلك si Allah t'a ouvert les portes, de ne pas salir هذا العلم. Vous avez tous entendu ce qui se passe de nos jours. أن البعض, les exemples que je vais citer, ils n'ont pas d'ilm. Ils n'ont pas étudié l'ilm. Lakin, pour montrer au nom du ilm, qu'est-ce qu'ils font? واحد ils ont propagé انه il a un pack de ilm aidé comme une formation un pack avec un peu de telle matière un peu de telle matière à 800 et quelques euros na'oudou billah معناه c'est un jahil Ismaïl Mounir. Un autre, il a une formation à Madrid. Un autre, ils ont ouvert une plateforme. Là, aslan, ils n'ont pas d'ilm. Et ils ont sali l'ilm à cause de dunya. Ça ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas de capacité. Tout le monde a des capacités. Il faut savoir, faut les travailler. Les faire vivre avec l'ikhlas, avec la sincérité et en suivant. Les salafs. هؤلاء des ikhwan, ils ont délaissé la voie des salafs. On dirait le fawda l'an. بعض الشباب, certains jeunes, certains muslims de la masse, vu que le ilm, à notre époque, cette génération, c'est devenu sur les réseaux sociaux, ils ne savent plus. Tu le mets en garde contre lui, Thomas, il t'envoie une autre question. Lui, tu le mets en garde, il ne sait plus comment faire. On doit faire des efforts. On doit faire des efforts. Et parmi notre intention qu'on doit avoir, c'est de réfuter les gens du faux. Réfuter les gens du faux, c'est une niya taïb. Et propager kalam Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un jihad, les i'la kalimatillah subhanahu. Fahdharu. Notre intention avec ce ilm, ça ne doit pas être de gagner de l'argent. Ihdhar que le shaitan il waswas min hadha al-bab. Les mains, il y en a certains, ils ont compris que fi da'wa, il y a extrêmement moyen de faire des bénéfices. Ta'ammal anta wahid, il a mis des prix 500 euros, 800 euros. T'as même 600 personnes, ils assistent. C'est des sommes énormes. Et si tu n'as pas l'argent, tu ne participes pas. On qadr s'il aurait du ilm. Il serait à la khair. Tu n'as pas d'argent, tu n'assistes pas. C'est pas ça l'ilm. Ton intention, ça doit être de propager. Et ne t'inquiète pas. Si tu te focalises sur l'ilm, tu crains Allah, tu fais des sacrifices, Allah il t'ouvrira les portes. Allah subhanahu wa ta'ala, il donne le risque aux kafara. Aux juifs, aux chrétiens, aux ennemis de l'islam, Allah, il leur donne jour et nuit. Fakif, un, si tu fais des efforts, fais l'ilm. Lakin, tu seras éprouvé. Fasbir. Fais des sacrifices. Fais des sacrifices. Ce ilm, comme a akhbar al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est le chemin du paradis. Man salaka tariqan, yaltamis fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Le but de hada al-ilm, c'est pas de manger. C'est pas de boire. C'est pas de se mettre à l'aise. Ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit. De prendre soin de soi. Là, mais n'utilise pas l'ilm pour ça. N'utilise pas l'ilm. Tu as besoin d'argent, travaille, akhi al-karim. Comme min al-ulama, il travaille. Et ça y est, ma'ana. Dans ce livre, inshallah ta'ala, un chapitre sur les bienfaits, les mérites de travailler. Amma, au nom de la da'wa, gagner des sommes énormes, et avec de l'égarement, et avec une mauvaise méthodologie, on doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as déjà vu un tashir muqbil. Au Cheikh Ibn Baz, au Cheikh Ibn Uthaymeen, mettre leur cours avec ces sommes. Rahmatullah alayhim, ils ne prenaient pas un centime. C'était l'Illah, et Allah subhanahu wa ta'ala les a élevés. Ces savants qu'on a cités, ils sont tous décédés. Et ils ont mangé, ils ont bu, ils ont, alhamdoulilah, Allah il leur a donné beaucoup. Et on espère, anna yawm al-qiyamah, ils trouveront les fruits de leur da'wa. Alayhim, rahmatullah, jami'an. Thumma qala, rahimahullah, قال حدثنا عبد الله ابن قحطبة نعم هكذا ابن قحطبة قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال كتب إلي أبي وأنا بالكوفة اشتري الصحف وكتب العلم فإن المال يفنى والعلم يبقى فأما هذه الوصية de se perdre à son enfant achète des livres لماذا لأن l'argent ça part أما العلم ça reste. Enfin, les livres, c'est très très important pour At-Talib. Lakin, plusieurs conseils par rapport aux livres. Awalan, ne te précipite pas au départ. Si tu n'as pas d'argent, tu n'as pas les moyens, atlub al-ilm, les livres, ça viendra. Comme minan nas, ils ont étudié au début, ils avaient un mushaf et ils avaient quelques cahiers. Wallahi, on a vu des frères fi Dar al-Hadith fi Damaj, annahum, wallahi, ils n'avaient pas le livre des Dorous. Ils achetaient un cahier, les cahiers c'est vraiment c'est pas cher, et ils recopiaient la leçon d'aujourd'hui dans son cahier. Et à la fin, il avait le livre comme toi, là, qui lui c'était écrit de sa main sur un cahier. Thumma fataha Allahu alayhim. Ne te précipite pas au départ. Thaniyan, ihdhar de ne pas acheter des livres et l'intention c'est ne pas les lire. Comme les nazis, ils ont des immenses librairies, beaucoup de livres, et c'est la poussière qui profite des livres. Ah là là. Thalitha, celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala il a ouvert les portes et il a de l'argent, voilà, ben, s'il achète les livres, même s'il ne les lit pas directement, l'intention c'est d'en profiter plus tard. Combien de livres tu profites alors que tu les as achetés des années auparavant? C'est une ni'ma. Et le fait d'acheter ce livre, tu as des hasanat indallah. Et madalien, si tu achètes ce livre, tu achètes de la science et ton but c'est d'apprendre, de mettre en application. Voilà, chacun c'est un khayr. Enfin, ne pas négliger les livres, surtout à notre époque. Tous ces nouveaux formats PDF sur Internet, il a arrêté, ce n'est pas comparable aux livres. Tous ces livres qui sont propagés sur Internet, il suffit d'un problème sur Internet et tu n'as plus ces livres. Enfin, donnez de l'importance aux livres. Donnez de l'importance aux livres. Khas satan, bien sûr, les livres en arabe. Qala Abu Hatim rahimahullah, qala ifna'u al-mar عمره بكثرة الأسفار ومباينة الأهل والأوطان في طلب العلم دون العمل به والحفظ له ليس من شيم العقلاء. La conclusion, أن le fait de voyager, de étudier l'ilm pendant des années, de quitter sa famille, là chacun ça les rend tristes, ça les rendra tristes. Il a arrêté à la fin ne pas mettre en application. Hada, c'est pas min shiyam al-uqala. Le doué de raison, il ne fait pas ça. Si tu quittes ta famille, tu quittes ton pays, tu fais des sacrifices, tu étudies, et à la fin tu ne mets pas en application, il y a un problème quelque part. Hada al-insan, il doit toujours se remettre en question. Qala wala min zay al-alibba. Al-alibba, c'est ulul albab. Al-lub, c'est l'aql. C'est un mot qui ressemble à la raison. Al-alibba, ça ressemble au mot uqala, il est doué de raison. Qala wa inna min ajwadi ma yasta'inu al-mar bihi 'ala al-hifd, at-tab' al-jayyid ma'a al-himma wa ijtinab al-ma'asi. Kadhalik, si tu veux avancer fil ilm, et bien sûr dans la mémorisation, tu veux mémoriser, on répétera pas toujours les causes demandées à Allah subhanahu wa ta'ala, etc. Ta'ammal hadhihi al-asbab, at-tab'u al-jayyid. Et pour avancer dans l'ilm, tu dois être serein. Tu dois pas avoir de problèmes, de soucis. Amma, celui qui veut mémoriser, et il a des problèmes, il a des soucis, il pense à telle chose, Abadan, il arrivera à apprendre. Même s'il apprend, il oubliera très vite. Enfin, en tant que talib al-ilm, tu dois être apaisé. Qala ma'a al-himma. Et ça, c'est important, l'objectif. Ne crois pas que tu pourras pas apprendre, ne pas apprendre le Coran. Ne crois pas que tu pourras pas apprendre des hadiths. Abadan, t'es un être humain comme les autres. Si un tel il a réussi, tu peux réussir. Chacun à son niveau. Si tu fais les efforts et tu n'as pas réussi à apprendre comme un tel, alhamdulillah, à ton niveau, tu es un talib al-ilm. Et si tu es sincère, alhamdoulillah, tu auras tout gagné fi dunya wal akhirah. Qalu ijtinab al-ma'asi. Al-ma'asi, les péchés, ça fait beaucoup de mal au mu'min, bien sûr, et bil akhas au talib ilm. Beaucoup de mal. Limadha li anna al-ma'asi, c'est une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'ilm, c'est du nour. Comme qala al-Shafi'i dans des abiyat shi'riya, quand il a demandé à Rabi'a sur al-hifd, annahu, il a oublié, il l'a conseillé de délaisser le ma'asi. Il l'a conseillé de délaisser le ma'asi. Inna hadha al-ilm nour. Wa nourullah la yu'ta asi. Akada qal. Al-ilm, c'est du nour, c'est une lumière. Et Allah, il donne pas cette lumière à quelqu'un qui lui désobéit. Qala, rahimahullah, wa sami'tu le athar suivant. Qala, on essaye de résumer. Naam, il a cité la parole de Waqi'. Elle est mashhoura en vers de poésie, lakin huna il a cité un athar. Qala sami'tu, ay, il a rapporté la chaîne de transmission an Waqi' yaqul kana yuqal ista'inu 'ala al-hifd bi tark al-ma'siyah. Tu veux avancer dans ton din, dans l'ilm, plus précisément dans la mémorisation, délaisse les péchés. Qala Abu Hatim al-wajib 'ala al-'aqil an la yatlub min al-'ilm illa afdalah, li'ann al-izdiyad min al-'ilm atharu أثر عند العاقل نعم هو آثر نعم ونعيد لأن الإزدياد من العلم آثر عند العاقل من الذكر بالعلم هنا المراد c'est tu ne pourras pas tout apprendre donc tu dois choisir l'essentiel et l'essentiel c'est les bases enfin commence par les fondements قال والعلم زين في الرخاء ومنجات في الشدة. Non, l'ilm il va tomber lire bi'idhnillahi azza wa jalla ici bas et dans l'au-delà et kadhalik c'est une cause pour être sauvé. Qal wa man ta'allama izdad kama anna man haluma sad. Tu veux avancer vers l'ilm, fais des efforts. Tous ceux qui font des efforts, ils progresseront. La progression, elle peut être différente pour plusieurs causes. قال وفضل العلم في غير خير مهلك. فضل العلم, c'est, هنا c'est pas بمعنى فضل mérite là. كما قال في الحاشية فضل العلم أي الفاضل والزائد. Hey, des choses en plus que tu n'as pas besoin. هذا, ça pourra t'écarter du bien. قال كما أن كثرة الأدب في غير رضوان الله موبقة. C'est comme les beaux comportements, lakin, c'est pas pour Allah Azza wa Jal, c'est d'aucune utilité. Enfin, qu'il y a certaines sciences dont tu n'as pas besoin. قال والعاقل لا يسعى في فنونه إلا بما أجدى عليه النفع في الدارين معا. العاقل, le doué de raison, il donne de l'importance à ce qui le sera utile ici-bas et dans l'au-delà. ولا شك ولا ريب أن أنفع العلوم c'est علم التوحيد. On n'a pas le droit de délaisser علم التوحيد, comme on a déjà conseillé plusieurs fois, et se consacrer à des ulum, des branches, des divergences, des choses dont on n'a en aucun cas besoin dans la langue arabe, dans usul al-fiqh, dans mustalah al-hadith, dans... et on délaisse asluddin. Wa'adannas, ils ont atteint un certain niveau en langue arabe, ils ne connaissent pas ma'na la ilaha illallah. Il est capable de faire l'i'rab. Il est capable de faire l'i'rab de la ilaha illallah, de citer ma yata'allaq bi an-nahw, la grammaire, etc. Lakin, si tu lui demandes le sens avec des preuves, il est incapable. Bel ba'dhum, ils sont très forts en langue arabe et ils font du shirk billah. Ils donnent des associés à Allah Azza wa Jal. On doit craindre Allah. Al-ilm, c'est pas pour se montrer. Être éloquent et être un mushrik ou un innovateur, fa ayna al-fa'ida. Naam, si il y a l'éloquence avec l'iman, avec tawhid, alhamdulillah. Les savants de la sunna, كثير منهم ils étaient éloquents. قال وإذا رزق منه الحظ لا يبخل بالإفادة لأن أول بركة العلم الإفادة. Ça c'est un point important. كذلك pour طلبات العلم qui ont étudié, qui ont la capacité de propager. أن البركة, si tu veux la baraka dans ton ilm, propage. Et on a un autre problème, أن البعض, ils ont fait des efforts, ils ont la capacité, لكن ils propagent pas. هؤلاء, ils se feront du mal. لماذا؟ قال فكما لا ينتفع بالماء الساكن تحت الأرض ولم ما لم ينبع قال ولا بالذهب ولا بالذهب الأحمر ما لم يستخرج من معدنه ولا باللؤلؤ النفيس ما لم يخرج من بحره. Comme tu ne profites pas de l'eau qui est sous terre, il y a de l'eau sous terre dans les nappes phréatiques, etc. On peut pas en profiter. Les mains d'aller en aller sous terre. Ou à quel l'or, tu peux pas profiter de l'or qui est encore dans sous terre, dans certaines roches, etc. Ou à quel les pierres précieuses qui sont dans la mer, tu peux pas en profiter. قال كذلك لا ينتفع بالعلم ما دام مكنونا لا ينشر ولا يعاد. كذلك il n'y a pas de profit de garder l'ilm dans son cœur et ne pas le propager aux autres. فلا إفراط ولا تفريط. On retient de ce dars le juste milieu. Celui qui a la capacité, fait qu'il propage et qu'il craigne Allah Azza wa Jal. Celui qui n'a pas la capacité, il commence par le départ, par le début. Donne du temps à la mémorisation, donne du temps à ce ilm. Allah subhanahu wa ta'ala, il a élevé les imams de la sunna, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les messagers d'Allah azza wa jal, alayhim salatu wa salam, avec al-ilm. Al-ilm qabl al-qawl wa al-amal. Falihada, Ibn Hibban, rahmatullah alayh, il a cité comme premier chapitre l'intention, thumma al-ilm. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on va voir, c'est fondé sur ces deux points. Celui qui a une bonne intention, et kadhalik, celui qui applique son din avec science. هؤلاء بإذن الله عز وجل يفرون partie de ceux qui ont réussi. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من العلماء العاملين المخلصين ونكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين. Le prochain cours jeudi à la même heure إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.